pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois, et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps, je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Pianiste, afin que l'on sache que la vie d'artiste n'est pas rose, n'est pas sans tache, comme un navire qui tangue, qui rompt ses attaches. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe en dehors de ça. Je tuerai la pianiste qui n'a pas su m'aimer. Dans la chambre je pleure où l'amour se cache. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Et quand ce sera fait, que le jour sera levé sur le satin de ses méfaits, comme une pierre soulevée, où brouille la vermine dans le champagne et le caviar, dans son manteau d'hermine, on pourra la voir, le corps abîmé au fond de sa baignoire. Ce qu'elle a fait de moi, chaque jour que Dieu fait, chaque semaine, chaque mois. Et quand ce sera fait, que le jour se lèvera par l'entrée des artistes, quand on saura que c'est moi, alors je m'en irai, je la couvrirai d'un drap, alors je m'en irai. Pianiste pour ce qu'elle a fait de moi, chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois, et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi, sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps, je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Je suis un Apache, Je suis un Indien auquel on a fait croire que la montagne est loin. Je tuerai la pianiste. Je tuerai la pianiste. Je tuerai. Je tuerai.